Bonjour, ici Catherine Amélie Meury qui vous revient en force après toute une longue lutte contre le dengue. Je suis de retour de vacances, reposée et éblouie par les merveilles du Nicaragua. Ses volcans, ses villes coloniales, ses plages et tortues de mer. Ce qui est moins merveilleux cependant dans ce pays qui tente de séduire les touristes, c'est le service à la clientèle. Les restaurateurs, hôteliers et opérateurs de tours du nouveau Costa Rica, entre guillemets, ont encore bien du chemin à faire en la matière. Vous me traiterez peut-être de petite bourgeoise et me direz que si j'étais à la recherche de services irréprochables, je n'avais qu'à rester au Canada. Mais à ça, je vous répondrai la chose suivante. Un sourire est un geste simple à poser qui peut apaiser rapidement le consommateur occidental. Une pratique commerciale que j'oserais qualifier d'universelle. Le Nicaragua fait des pieds et des mains pour obtenir sa part du gâteau touristique mondial. Des stations balnéaires poussent ici comme des champignons. Je me suis frappé le nez à la porte d'une plage accessible il y a 2 ans, selon les guides de voyage, une plage maintenant rendue propriété privée. En fait, c'est triste. Le Nicaragua vend présentement ses plus belles parcelles de terre à des intérêts étrangers. C'est rien de nouveau sous le soleil du tourisme, mais ce développement effréné génère quelques incohérences au niveau du service à la clientèle. Le pourboire est un exemple frappant, plus communément appelé ici la propina voluntaria. Vous aurez compris, le pourboire volontaire, qui est de 10%. Soyons clairs, les Nicaraguayens ne laissent pas de pourboire. Ça ne fait pas partie des mœurs du pays. Cependant, avec l'affluence de touristes européens, américains et canadiens, le concept de pourboire s'est installé un peu maladroitement. Je m'explique. Sous le sous-total de votre facture, vous trouverez la valeur suggérée de pourboire à laisser. Donc, sur une facture de 10$, vous avez le choix de laisser 10 ou 11$. Simple, non? Mais tout se complique lorsque vous arrivez à la caisse. Si vous ne voulez pas payer la propina volontaire, vous avez souvent droit aux yeux désapprobateurs de la caissière. Si la facture est informatisée, ah ben là, vous avez droit au discours « Mais il faut que vous payiez la propina volontaria, madame, parce que je ne peux pas changer la facture, le programme informatique ne me le permet pas. » Parfois même, la caissière ajoute la taxe de vente qui est de 15% sur le pourboire, qui, je vous le rappelle, est toujours volontaire. Dans ce cas, si vous ne voulez pas payer la propina, il faut que la gentille dame sorte sa calculette et refasse la facture manuellement, toujours avec ses mêmes yeux doux. Et là, imaginez toute la conversation désagréable qui se déroule pendant ce temps. « Expliquez-moi, madame, pourquoi je dois payer le pourboire s'il est volontaire? C'est mon choix de payer ou non? » La caissière de répondre « Oui, c'est votre choix, mais dans ce cas-ci, c'est plus simple. Je peux parler à votre gérant? Non, il est absent aujourd'hui. » Tout ce débat pour un seul cordoba, c'est-à-dire 18 sous américains. S'ajoute à cela la complexité suivante. De nombreux restaurateurs ne vous indiquent même pas le montant de la propina parce que les locaux n'en payent pas. Donc la question se pose, est-ce que certains propriétaires tentent de vous flouer volontairement sous prétexte que vous êtes un touriste avec quelques billets à dépenser dans le pays? Eh bien moi, je refuse de me faire passer pour un guichet automatique. Quand le service est nul, je ne paye pas. C'est le choix que le Nicaragua me donne et je veux l'exercer. Et surtout, je ne veux pas me sentir chiche si je l'exerce. Sinon, tenez-vous debout, Nicaraguayens, et imposez là votre propina. Toujours avec le sourire. Et le touriste riche paiera volontiers. Demain, restez à l'écoute. Je vous propose d'autres pratiques douteuses avec ma théorie économique sur le service à la clientèle. Équation mathématique à l'appui.